aux Routes Enchantées, je devais diffuser une chanson de Michel Bernard. Ben, c'est pas lui qui l'a, c'est pas lui qui la chante, mais c'est lui qui est derrière tout ça. Je vais tout vous raconter. Mais une grave erreur de mémoire est survenue et j'ai complètement oublié de présenter ces trois chansons. Mais ce soir, en ce 11 septembre 2017, je vous présente une pièce musicale et la semaine prochaine, la trilogie sera présente. Donc, les trois chansons qui, quand même, c'est conceptuel. Donc, il y a une suite. On peut les écouter un peu comme l'homme à tête de chou à des moments différents, mais je vous propose l'intégralité la semaine prochaine. Mais ce soir, pour me faire pardonner, je vais vous raconter un peu. Nous allons entendre « Véhicule ancien ». Les paroles sont de Michel Bernard, la musique de Romain Bernard Sauvant, son fils. Et la voix est de Romain Bernard Sauvant. L'arrangement guitare, basse et programmation batterie, toujours Romain Bernard Sauvant. Au studio AF Valence, prise de son Daniel Frattini et Raphaël Frattini. Réalisation Michel Bernard. La semaine prochaine, nous entendrons leçon de conduite et rétroviseur. À suivre. Bonne écoute. Excuse-moi, Michel. Véhicule ancien, un.

Vivant. Ouais, et d'ailleurs, nous, on fait de la musique, on danse, Léandre chante. Avec ton copain, avec le garçon, avec qui, le copain créatif, ouais. Là, pas le copain, ok. Le copain créatif, ouais. Ouais, je joue de l'accordéon, lui, il joue du cor. Tu t'es découvert un autre métier de musicienne, de chanteuse, est-ce que tu chantes? Non, j'ai un problème avec la voix. Ok. Je déteste. Ok, t'as pas trouvé ta voix. La voix de ta voix. Non, la voix pour moi c'est un grand souci encore. Alors j'ai chanté il y a pas longtemps dans une soirée avec un micro les Beatles. Ok, ça c'est du karaoké. Et voilà, un truc comme ça. Et puis. C'était Hey Jude. Ok. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Mais. As-tu eu des applaudissements? Ouais. Et quand tu chantes, est-ce que tu fais bouger ton corps un peu comme... Alors non, parce que je suis tétanisée, c'est ce que je disais. Pour moi, la voix, c'est très très difficile à sortir. Okay. Donc j'ai beaucoup aimé, mais je me suis dit que c'est vraiment un truc tu t'es pas que lâché. Je bosse, quoi. En un mot, tu t'es pas lâché. Ou sinon, il fallait que je picole, quoi. Ah oui, ça c'est à la fin. Mais t'étais très académique, tu suivais la musique. Ouais, je chantais avec les paroles. Mais tu t'es surpris quand même à avoir un certain talent.